Bonjour et bienvenue dans ce podcast pédagogique. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui me fascine, la rétroaction et son lien avec l'esprit critique. Avec nous, un expert qui a étudié cette question de très près. Bienvenue. Merci de m'accueillir. C'est vrai que c'est un sujet passionnant et je pense qu'il est temps qu'on en parle ouvertement à l'école. Commençons par le commencement. Pour vous, c'est quoi exactement la rétroaction pédagogique ? La rétroaction, c'est simplement un retour qu'on donne à un élève sur son travail. Mais attention, ce n'est pas juste une note. C'est un commentaire, une explication, un guidage pour qu'il comprenne où il en était, comment progresser. D'accord. Mais pourquoi vous dites que c'est un préalable à l'esprit critique ? Parce que l'esprit critique, c'est la capacité à examiner ses propres idées, à les remettre en question, à chercher à s'améliorer. Et pour ça, il faut d'abord savoir recevoir une critique sans la prendre personnellement. Ah, c'est intéressant. Vous suggérez qu'un élève qui ne sait pas encaisser une rétroaction ne peut pas développer d'esprit critique ? Exactement. Imaginez un enfant qui a peur de se tromper, qui voit l'erreur comme une preuve qu'il est nul. Comment il pourrait questionner ses idées ? Il se fermerait. C'est vrai que j'ai remarqué ça chez les jeunes. Une petite correction, et c'est déjà la fin du monde. Pourquoi c'est comme ça ? Parce qu'on ne leur apprend pas explicitement à gérer la rétroaction. On suppose qu'ils savent naturellement quoi faire quand on leur dit « développe davantage » ou « manque de précision ». Vous dites que c'est une supposition fausse ? Complètement fausse. Les recherches montrent que beaucoup d'élèves reçoivent une rétroaction sans vraiment la comprendre. Ils ne savent pas quoi en faire. Donnez-moi un exemple concret. Un prof écrit en rouge dans la marge trop vague. L'élève lit ça, se dit bon d'accord. Et après, il ne sait pas ce que vague veut dire concrètement, il ne sait pas comment rendre son texte plus précis. Alors la rétroaction, elle n'a aucun effet ? Non, pas aucun effet. Mais elle n'a pas l'effet qu'elle devrait avoir. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de la rétroaction. Les profs donnent de plus en plus de commentaires, mais les élèves n'en tirent pas profit. Pourquoi les élèves n'en tirent pas profit ? C'est une question de motivation ? Ce n'est pas juste la motivation. C'est une vraie compétence qui manque. La rétroaction, ce n'est pas quelque chose qu'on reçoit passivement. C'est un processus actif. Qu'est-ce que vous entendez par actif ? Il faut décoder le message, comprendre ce qui est prioritaire, le traduire en action concrète, gérer l'émotion que ça suscite, planifier sa révision. Attendez, vous dites gérer l'émotion. C'est important, ça ? Crucial. Un enfant qui reçoit une critique peut se sentir attaqué, découragé, honteux. S'il n'apprend pas à gérer ça, la rétroaction le blesse au lieu de l'aider. Et c'est là qu'intervient la littératie à la rétroaction, c'est ça ? Voilà. La littératie à la rétroaction, c'est l'ensemble des savoir-faire, des savoirs et des attitudes qui permettent de tirer profit d'un retour formatif. Ça s'enseigne, ça ? Oui, et c'est ce qui est fou, c'est qu'actuellement, aucune école ne l'enseigne explicitement. C'est absent des curricula. Pourquoi c'est absent ? Je pense que c'est parce qu'on a longtemps supposé que c'était naturel, acquis, mais ce n'est pas le cas. Les élèves qui réussissent bien, c'est souvent parce qu'ils ont acquis cette littératie à la maison, grâce à leurs parents. Donc ça crée des inégalités ? Absolument. Les élèves dont les parents savent comment utiliser une critique pour s'améliorer vont avoir un avantage énorme. Et ceux dont les parents ne savent pas ? Ils restent bloqués. Même s'ils reçoivent une excellente rétroaction, ils ne sauront pas quoi en faire. Alors, comment on commencerait à enseigner ça ? Dès quel âge ? Et la maternelle, les attitudes envers la rétroaction, elles se forment très tôt. Si un enfant de 6 ans croit que faire une erreur, c'est être incapable, ça le suivra toute sa vie. Vous parlez de mentalité de développement, c'est ça ? Exactement. Les recherches de Dweck le montrent bien. Les enfants qui croient qu'on peut progresser avec du travail, ils ont une toute autre relation à l'erreur. Et pour eux, l'erreur, c'est quoi ? Une étape de l'apprentissage. Une information précieuse. Pas une preuve d'incompétence. Comment on cultive cette mentalité à l'école ? En commençant par les dispositions. Les dispositions, ce sont les croyances et attitudes qui rendent un élève réceptif ou non à la rétroaction. Concrètement, c'est quoi comme disposition ? La curiosité, par exemple. Un enfant curieux va accueillir un commentaire comme une occasion d'apprendre. Un enfant pas curieux va le voir comme une attaque. C'est vrai que c'est très différent selon les enfants. Comment on peut développer cette curiosité? En montrant que l'apprentissage, c'est un jeu, une exploration, pas une compétition où il faut absolument avoir raison. Vous parlez de l'esprit critique. Là, non. Exactement. L'esprit critique, c'est justement cette capacité à explorer, à questionner, à réfléchir. Et ça commence par savoir accueillir une question sur son travail. Donc si je résume, sans littératie à la rétroaction, pas d'esprit critique possible? C'est ça. Parce que l'esprit critique, ça demande de remettre en question ses idées. Et si on ne sait pas recevoir une critique, on ne peut pas remettre en question ses idées. C'est vraiment un préalable, alors? Absolument indispensable. C'est un préalable au sens littéral. C'est tout pour cet épisode. La suite au prochain. À très bientôt.